Bonjour, bonjour tout le monde. On est vendredi soir, il est 17h15 et je suis encore, tu peux le constater par l'écho dans mon bureau, que je suis au boulot. En effet, je reprends mes bonnes vieilles habitudes et j'enregistre aux frais de la reine. Non, c'est pas vrai, je viens de finir de travailler et d'ici quelques heures, je prends l'autobus parce que, ouais, hein, bling bling, je prends l'autobus pour aller à Sherbrooke chercher la vanne de mon beau-père afin de déménager les meubles que ma mère me donne, car elle en double maintenant qu'elle s'installe avec son copain. Ce qui paraît que, vu que la balado-diffusion, ça a une facture plus personnelle que de la radio, alors je te dévoile mon quotidien. Et malheureusement, contrairement à la semaine prochaine, je suis habillé, je porte des jeans. Mais Dieu sait que quand mon patron va s'en aller, je vais me remettre en boxeur ici au bureau. Bonjour tout le monde, vous écoutez Pas de modernisme, et c'est la 23e édition. Écho, écho, écho. Yeah! C'est André Péloquin avec vous pour une 23e édition déjà de Pod Modernisme, la balado-diffusion qui se spécialise dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec au niveau musical. On va débuter dès maintenant avec un petit peu de rock alternatif. On va avoir entre autres du Islands, les nouveaux Unicorns. Le lancement s'en vient très bientôt. Surveillez les journaux qui sortent les jeudis, tu sais, vas-y. On va aussi entendre du Alice, la défunte formation Alice. Et on va terminer avec un groupe qui, selon Le Voir, est un groupe à surveiller en 2006. Il s'appelle RV et la pièce s'appelle Father Was a Gambler. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire au podmodernisme, podmodernisme@gmail.com.com ou encore passer par le site web si vous voulez avoir des détails sur la programmation, les titres des pièces qui ont été jouées. Comme ça, quand vous allez aller aux Anges Vagabonds ou Atom Arts, vous aurez l'air un peu moins niaiseux en disant « Tu sais, c'est la toune, le gars, il fait nanana, puis ça parle de pointe à adresse. » Hein? Tu conseilles comme ça, là. Bon, trêve de plaisanterie douteuse. On débute dès maintenant avec Islands et la pièce Swans sur Pod Modernisme. Thank you. Swans, swans, swans, song, song. The morning dawn on us, and the Sox march beach melody still hung résultat, je fais rien que de bêtises. fallait pas gâcher mon cœur. Mais c'est sans babysitter, je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. J'ai tout renversé les poubelles, j'ai tout pillé ta belle vaisselle. Attends, c'est pas tout à fait tout, si dépensé tous tes sous. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. Fallait pas me quitter, dis-moi. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. qu'on s'amuse. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Pod Modernisme, la balado-diffusion, le podcast super cool et branché pour les enfants de 12 à 14 ans. Je dis n'importe quoi ici. Bref, on essaie de couvrir ce qui est underground, ce qui est alternatif, ce qui se fait au Québec, qui n'est pas joué sur les médias de masse, sans vouloir les insulter. On vient de terminer avec la formation montréalaise RV. C'était la pièce Father Was a Gambler. Pour plus de détails, allez sur leur site web. Ils ont plusieurs concerts de prévus. Je crois que le premier est le 2 ou le 3 février au Divan Orange. Allez sur leur site rv.ca. H-A-R-V-E-E complémentaire.ca pour plus de détails si vous avez aimé ça. Un peu avant, on avait la défunte formation Alice avec tiré de leur album Ce soir, on sort les restes ou on mange les restes. C'est la pièce Les Bêtises et on a débuté avec un extrait d'un album très attendu. L'album de Islands, les ex-Unicorns. La pièce s'appelle Swans, a duré 9 minutes et on a tous aimé chaque seconde de cette chanson. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus rock. On va débuter avec une valeur sûre, les Dale Hawerchuk. Ensuite, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus bluesy, c'est-à-dire Skip Jensen. Et on va terminer avec du Royal Mountain Band. Ils seront en concert aussi très bientôt. Allez sur le site web pour avoir plus de détails et vous procurer des pièces, des t-shirts, devenir leur fan numéro 1 et qui sait, peut-être des groupies. Si vous avez des questions, des commentaires ou encore des ce que j'ai question, veuillez me contacter, mon tadine. Passez par le courriel, c'est le podmodernisme@gmail.com. Vous pouvez aussi passer par le site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Là-dessus, assez de plugs et on débute dès maintenant avec la pièce Abuse de moi des Dale Hawerchuk. Quelle idée quand t'es arrivé à côté de moi, dérangement corporel, désir sexuel, sans implant, faire bien implant, et je me suis préparé dessus, j'ai pas pu résister. Abuse the way, abuse the way, abuse the way, abuse. Deux heures avant de prendre le fantastique autobus qui va me mener à des aventures à Sherbrooke, là. Et en attendant, eh bien, je fais du podcasting. Oh oui, pour toi, public, pour toi, parce que je t'aime et que je te veux. Ouh, oui, j'ai un mal de gorge, vous l'aurez remarqué. Vous écoutez toujours Pas de modernisme, c'est André Péloquin qui se plaint au micro. On vient de terminer avec du rock'n'roll, avec le Royal Mountain Band, c'était la pièce Shaky Hands. On avait aussi du Skip Jensen qui, je crois, sera en concert d'ailleurs avec La Montagne. C'était la pièce Right on Time, tirée de son album Abscond. Et on a débuté avec les Delaware Chuck, tirée de leur album éponyme La Très Salée Abuse de Moi. On va poursuivre dès maintenant avec un petit peu de hip-hop. Mon Dieu! Ah, je suis en train de mourir. Je meurs. Aïe, aïe, pardon. Oh, oh, je me demande si je vais le couper au montage. On va donc avoir du hip-hop. On va débuter avec du Gatineau, avec un extrait d'une pièce que vous pourrez retrouver dès le 17 février sur la compilation de CISM 15 ans de marge et sûrement sur leur album lorsqu'il va sortir. C'est la pièce 7 carrés. On va aussi avoir du Maybe Watson et du Cire Pathétique. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, podmodernisme@gmail.com, podmodernisme.blogspot.com. Ça te tente de danser? Ben fais-toi plaisir puis lève le son parce qu'on débute dès maintenant avec du Gatineau sur Pas de Modernisme. Bon bah ok là, approchez-vous un petit peu là. Je vous trouve loin. Ah ben, êtes-vous dedans là pour un autre cette carrière là? Parce qu'on est que nous autres les petits gars du groupe Gatineau qui vont venir nous pousser une belle petite surlite là. Comme la soirée canadienne, j'pars tout ce qu'on est partant pour faire part à l'ancienne. C'était traditionnel avec une touche additionnelle. Quand j'rappe ça qu'une paire de pincelard, j'peux j'me sens fané quand j'l'ose. J'peux souhaiter du papa, dire quand même bien. C'est comme une veillée dans la tête avec sa naissance de partant. On va crisser des bûches d'apoise, comme tout ça à la nuque. Sortir l'accordéon, t'en s'attends tout de suite. Joe, allez, on est bas. Je vous vois, drette là, y'a pas ta perte d'ex, ça sombre dessus, bras dessous. Mais si mon est bien sous, mais si mes consorts disent, c'est ça la denesse, t'es tout. Je vois que toute la paroisse va mousse, mounia pas caisse. Vous levez sur vos chaises, y'a comment ça presse. Que bonnet de Québécois d'assis sous sa caisse. Oh, qui fâche, oh, ouais, c'est dingue, comme dans une fournaise. Là, c'est chloré, jamais je croirais, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corrige, c'est pas ta doyer, c'est pas ta bonnie. Je vois toute l'assistance, la moi débrouille. Ça c'est chloré, jamais je croirais, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corrige, c'est pas ta doyer, c'est pas ta bonnie. Je vois toute l'assistance, la moi débrouille. Hey, c'est rare que ta visite, hein, faut qu'on en profite. T'en penses, ça rit pas souvent quand ça déboule la mythe. Je veux toute la parade des fesses, la dread, elle mâche pit. Faut tout le monde participe avant qu'il participe. Ça masse, en avance, en tasse. Que personne jase pendant que le joint se passe. Bibo sort, dépasse, mais si tu veux pas que ça brasse, ta tête est mieux, tu tasses. Ah, tu veux savoir qu'est-ce que je sais que ma grand gueule. Les débuts boss de tout le temps, ceux qui en veulent. Ça s'en vient de 7-3 et qui est le bûcheron. Tu vois dans mon live, dans ton coq rond. Tu viens d'un village, des beaux en fond. Laisse ta gêne droit, donne-toi bon. En graissant de la crête, c'est gâte. C'est ce qu'il y a pas pour faire sauter à cabane à sec. Du planche au plafond, ça c'est toi. Jamais je pourris, c'est pas ta forêt. Va rester personne la place des forêts. Puis vous courez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta moyer. Je wipe toute assistance, maman des broyer. C'est assez tori, jamais je courris, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne la place des forêts. Puis vous courez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta moyer. Je wipe toute assistance, maman des broyer. Les filles des patrouilles, les gars des bars tiroyer. L'assistance est perpillée, rapide chance de pareiller. Crioyer. Je me donne la langue, elle me rapoyer. Par mon papa, pas de sky, par mon papa, pas de gars. Par mon papa, meurt de sky, par mon papa, dormi droit. Viens, reste pas planté là comme un estiviste tordu. Bouge ton cul comme ça, tout de monsieur pointu. Avec moi dans cabane, ça se passe comme dans le temps des fêtes. Ça se passe comme dans le temps de nos ancêtres. Oh, ça gêche qu'à tac, la tonne arrête. Fait que je veux pas de snob, de bad boy pis die bite. Je white toute la paroisse, va moi, swing à bacasse, vous levez, tu vas chasser. Comment, ça passe, mais c'est foré. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à place des forêts. Puis vous courrie, c'est pas ta noyer, c'est pas ta broyer. Je white toute l'assistance, va moi débrouiller. C'est à cette forêt. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à place des forêts. And it goes like this. You must learn what the competition keeps me on point. J'pompe, j'parle pas d'extraire le plein. On me dit incompréhensible à vous de faire les liens. Work le dit avec ses lunettes, de l'air de rien. Mais il est fade, fait qu'on milk le rap comme une paire de seins. Enfant mère nous donne l'énergie, on serre le poing. Genre de futur super héros, on est pour faire le bien. Parce que sérieux, ça ira ici, ça sert à rien. Mais si un fake G, on split sa chair à deux. La petite gang de la ruelle, c'est sûr que ça varge. Up close and personal comme un zoom d'en face. C'est fou quand je parle. J'ai des roches d'adrénaline, j'fais des beats sur le PC, fuck la mescaline. On plante dans un champ vide, t'es une graine seule. On importe le retard pour que tu parles en pleine gueule. T'es faite, mais y'a rien de sûr, check la face que j'ai. Not to fuck with Carrizza en ceinture de chasteté. We bring it drama to you wanna be. Do me a favor and bring on the real MC. You must learn. The competition keeps me on point. We bring it drama to you wanna be. Do me a favor and bring on the real MC. You must learn. The competition keeps me on point. Une partie de mon rôle de MC, c'est que le nombre d'auditeurs rise up. On prend le contrôle de ta radio comme le Why Not. On s'infiltre. T'es temps fat, plein de skills. Tu regardes le linge, mon style, rien de chill. J'bois beaucoup d'MCs, mais bien moins d'artistes. Dans le game, on joue d'un coin, j'me tiens loin de l'arbitre. J'pratique pour passer de l'abîme au sommet. Une fois la cime, pas question, penser au sommeil. J'ai des gros projets comme Queensbridge. Mon son saute fast, ça fit pas dans ton mini-disque. On minimise ceux qui mimiquent, s'inspirent des mythes qui émettent mes critiques, celui épidémique. Des idées sick comme kick mes rap à l'hosto. Tu peux scier un dentier parce que tu bois trop. We rap singles, appelle-nous les tranches crabes. Nous c'est à temps plein, camp plein, sont juste en stage. We bring it drama to you wanna be. Do me a favor and bring on the real MC. You must learn. The competition keeps me on point. We bring it drama to you wanna be. Do me a favor and bring on the real MC. You must learn. The competition keeps me on point. À quel point la musique asymptomatique me tombe ses nerfs, c'est apocalyptique comme le beatmaker de Paco and Pesh. C'est à cause des heads qui sont fruités comme un casseau de fraises qu'on passe le test. Fait que change de vitesse au lieu de break. T'es pas souple, t'es juste fake. Y'a pas une de tes tunes qui fait que les poufs shake. Je suis outré, mais elle va temps a soufflé sur ceux qui maïssent. C'est quand il pleut, c'est sur eux que la pluie la pisse. Dans l'abysse de notre passion se trouvent des gens douteux qui rampent sur le sol comme les serpents hideux. Ils mordent à pleine dent ceux de sang ou creusent des tunnels dans le souterrain qui nous appartient. Habite sous mon toit malgré moi comme les acariens. C'est du bif dont j'ai pas besoin parce qu'il est avarié. J'pense le sens des mots est avarié. Sinon j'suis condamné à rester dans mon appart. J'l'ai, come on! Fais ton choix. Je pourrais être mécanicien, astronaute ou magicien. Je pourrais être un architecte, un pompier ou bien médecin. Je pourrais être un petit gossage avec pas de ride sur son visage. Je pourrais être fait pour le mariage. Un premier choix au repêchage. Je pourrais souder les tuyaux, physicien poser de la tôle. Je pourrais passer les journaux, chauffer des tracteurs et des gauches. Je pourrais faire le ménage, ma cuisine puis mon lavage. Je pourrais être fiable puis alors vendeur ou bricoleur. Je pourrais vouloir gagner ma vie à travailler dans l'industrie, le gros piler de la brique ou installer du tapis. Je pourrais être vétérinaire à mon affaire, haïr la bière, avoir toujours quelque chose à faire, avoir ma propre secrétaire. Je pourrais être dresseur de chiens ou tireur de joints, aiguiseur de patins ou vendeur de magasins. Je pourrais être plombier, travailler sur un chantier. Je pourrais être un haut placé de la société. Mais faut que je fasse de quoi de ma peau, ou je m'en aille loin d'ici. Ma vie commence à tourner en rond, faut que les choses changent, je pas staller ici. Je pense que j'ai touché le fond. Alcool, drogue, sexe et conneries. Mais trop de monde pense que je crée rien de bon. Mais je suis juste un autre indécis. Je pourrais me tanner toute crissée là, aller vivre aux Pays-Bas. Je pourrais partir en Alaska, aller me geler les couilles là-bas. Je pourrais être fier de la vie que je mène. Je pourrais m'éporter des mitaines. Je pourrais être chef d'une cuisine. Je pourrais me geler comme une bine. Je pourrais aimer ça d'être tout seul, rien dire, fermer ma gueule, faire ce que les autres veulent. Mais je rouvre le mic puis je gueule. Je pourrais être dans une compagnie, poser du plancher vernis. Je pourrais changer de ville en pensant que c'est mieux qu'ici. Je pourrais vendre du pot avec le king de mon bloc, faire de l'argent sur mon spot en buvant ma sorte. Je pourrais être riche à craquer, me payer un voyage par année avant des cadeaux à offrir quand Noël t'arrivait. J'pourrais être un bon père, massagir, boire moins de bière, faire moins le poilé, être plus sensé. Hey, la la la la la, hey yo, la la la la la la. Faut que j'fasse de quoi de ma peau, ou j'm'en aille loin d'ici. Ma vie commence à tourner en rond, faut que les choses changent, j'veux pas staller ici. J'pense que j'ai touché le fond. Alcool, drogue, sexe et conneries. Mais trop de monde pense que je crée rien de bon. Mais je suis juste un autre indécis. Je pourrais partir déménager dans une autre belle place en campagne. Vive large, deux chars, caviar, cigare, champagne. Je pourrais partir d'un pays chaud, loin de tout le stress. Je pourrais partir loin, puis slack et malaise. Je pourrais date, puis vivre comme les autres. Je pourrais rentrer à shop, puis visser des beaux. Je pourrais retourner ma cire à l'école. Je pourrais travailler au casse, croche et tipole. Je pourrais réussir cégep, être devenu un ingénieur pour inventer des recettes ou être un bon inspecteur. Je pourrais partir en Afrique pour y creuser des puits, en Colombie-Britannique pour y cueillir des fruits. Je pourrais aller vivre en Australie à 20 heures d'avion d'ici. Je pourrais aller vivre à Paris, ce serait peut-être plus payant qu'ici. Je pourrais m'enrôler dans l'armée pour aller voir un peu de pays. Je pourrais partir pour visiter la Chine, manger un bol de riz. Faut que je fasse de quoi de ma peau, ou je m'en aille loin d'ici. Ma vie commence à tourner en rond, faut que les choses changent, je pas staller ici. Je pense que j'ai touché le fond. Alcool, drogue, sexe et conneries. Mais trop de monde pense que je crée rien de bon. Mais je suis juste un autre indécis. Thank you. Bonjour tout le monde, c'est André qui s'amuse avec sa bouche. Hey, c'est André Péloquin, j'espère que tu t'amuses. Je suis ton animateur super mature de Pas de modernisme, la balado-diffusion qui se spécialise sur ce qui se fait d'alternatif, musicalement parlant, au Québec. On vient de terminer avec Cire Pathétique, c'était Je pourrais être. Un peu avant, on avait Maybe Watson avec la pièce Tonton, et on a débuté avec Gatineau, c'était la pièce 7 carrés. On va terminer cette édition de Pas de modernisme avec un petit peu de pièces plus ou moins électro. On va débuter avec le DJ Tiga qui va nous faire une reprise de Sunglasses at Night, bien sûr l'immortelle pièce de Corey Hart, mieux connu sous le nom de C'est ton foiré qui enfante Julie Mars de temps en temps. Fantaisie de jeunesse qui passe par ici là. Ensuite on va continuer avec Bling Bling de Artist of the Year. On va terminer avec la pièce Le Saboteur de Télémac. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ne vous gênez surtout pas, je ne mords pas. Sauf quand tu le demandes, bébé, ça veut dire agrou agrou. C'est au podmodernisme@gmail.com. Vous pouvez aussi passer par mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. C'est tout pour moi. Je m'appelle André Péloquin. La balado-diffusion s'appelle Podmodernisme. Je suis Sagittaire et chèvre dans l'astrologie chinoise et je vous souhaite une agréable semaine. Salut. I wear my sunglasses at night so I can, watch you weave and read your storylines. I wear my sunglasses at night so I can, keep track of visions in my eyes. I wear my sunglasses at night so I can, watch you weave and read your storylines. I wear my sunglasses at night so I can, keep track of visions in my eyes. Cause words worth money and I'm working for it. Did you know, guys, you ain't listening to music? You're listening to business. You're listening to business. We'll be right back.